émission documentaire dédiée à l'univers de la wave music. Wave music. Culture Wave. Culture Wave. Culture Wave débloque le compteur des années 80. Culture Wave. Artistes, labels, DJ, producteurs. Nous rendons hommage aux fondateurs et aux héritiers de la New Wave. La New Wave. La New Wave. Culture Wave. Culture Wave. Interview, portrait, mixtape, concert exclusif. Culture Wave, produit et animé par Greg et Walter, de sans pleurs et sans reproches. Chaque lundi, de 23h à minuit, sur Galaxy Radio. Galaxy Radio. Culture Wave. New Wave is alive. New Wave, new wave is alive. Is alive. I feel so fucking alive! Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro de Culture Wave. Cette émission dédiée au croisement entre vieille et jeune génération musicale de l'univers New Wave, Cold Wave et Post-Punk. La source est inépuisable et c'est un véritable bonheur de remettre en avant des formations ayant eu leurs heures de gloire et les formations qui leur rendent hommage. Dans ce Culture Wave mix, régalez-vous avec DAF, Carl Cave, Clan Oxymox, la New Yorkaise de Mircala, les Espagnols de Metropact, Pitch Yarn of Matter, le très engagé Paul Hardcastle, dont le morceau a quelques relents d'actualité, de Rorschach Garden, Love is Colder Than Death, Mirim, Art Kinder Industry, The Walking Icon, les Français de Clair Obscur, et pour terminer, Constantine Umvol. Prenez du plaisir en écoutant Culture Wave et surtout, n'oubliez pas, New Wave is Alive. Thank you. Thank you. We'll be right back. but it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. Culture Wave débloque le compteur des années 80. Concert exclusif. Artistes, labels, DJ, producteurs. Nous rendons hommage aux fondateurs et aux héritiers de la New Wave. Culture Wave. Culture Wave. Interview, portrait, mixtape, concert exclusif. Culture Wave. Culture Wave. Produit et animé par Greg et Walter de Sampleur et Sans Reproche. Chaque lundi de 23h à minuit sur Galaxy Radio. Galaxy Radio. New Wave is alive. Is alive. New Wave is alive. New Wave is alive. It's in my blood, it's in my pulse. It's in my blood, it's in my pulse. Labyrinth. Too many noises. Summertime, oh. Bye. Now I say that the presence of all state is a negative and good for distraction. It is a work of drama to take charge of it. It's even more than a grave shock. The one who knows is like the ignorant to cut the spell. Hey! Hey! Culture Wave, l'émission documentaire dédiée à l'univers de la Wave Music. Débloque le compteur des années 80. Artiste, label, DJ, producteur, nous rendons hommage aux fondateurs et aux héritiers de la New Wave. Chaque lundi de 23h à minuit sur Galaxy Radio.